الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس الحمد لله الحمد لله كلمة عظيمة وفضائله كثيرة لا تحصى وآثاره على الحمادين لا تعد ولا تستقصى وثوابه عند الله تعالى جزيل فإن الله تعالى هو الحميد يحب الحمد جل ثناؤه فبحمد الله تبارك وتعالى افتتح كتاب الله العزيز وسورة الحمد لله الفاتحة أفضل سورة في القرآن الكريم وافتتح الله جل ثناؤه بعض سور القرآن بالحمد وهي خمسة الفاتحة الأنعام الكهف سبأ وفاطر قال الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والأولى وذكر الله تعالى الحمد في أكثر من 40 موضعا من كتابه الكريم وافتتح الله خلقه بالحمد فقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتم الله جل ثناؤه خلقه بالحمد فقال بعد أن ذكر مآلي بعد أن ذكر مآلي أهل الجنة ومآل أهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وحمد الله جل ثناؤه آخر دعاء أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. معاشر المؤمنين، الحمد لله من أحب الكلام إلى الله جل وعلا. في حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه مسلم. والحمد لله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي وغيرها من الكلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحمد لله سبب تكفير الذنوب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله أو رحمة الله عليهما. أيها المسلمون، آثار الحمد لا تنتهي في هذه الحياة الدنيا، بل تتبعكم في الآخرة وتعظم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الحمادين، وبيده يوم القيامة لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يمسكه بيده صلى الله عليه وسلم، ويجتمع إليه الحمادون من الأولين والآخرين. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء الحديث. رواه الترمذي رحمه الله. وكلما كان العبد أكثر حمدا لله تعالى كان أوفى بالقرب بهذا اللواء. وفي الجنة يا عباد الله بيت يسمى ببيت الحمد، خصه الله عز وجل بالحمادين في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، واسترجعك، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. ذكر إن كان أم أنثى، صغيرا كان هذا الولد أم كبيرا، أعده الله عز وجل بيت الحمد للصابرين عند هذه المصيبة العظمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر وقته بحمد الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا يا عباد الله أن نكثر من حمد الله عز وجل في كل وقت وحين، لا سيما في الأوقات التي يتأكد فيها حمد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بحمد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يومه بحمد الله. إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويختتم يومه بحمد الله تبارك وتعالى. يقول إذا آوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكافاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان يحمد الله عز وجل دبر كل صلاة مكتوبة 33، ويقرأ في كل ركعة سورة الحمد لله رب العالمين، وهي ركن من أركان الصلاة. وكان يقول في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وإذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أو يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعد. وكان يقول في آخر صلاته في الصلاة الإبراهيمية: إنك حميد مجيد. فالصلاة يا عباد الله عامرة بحمد الله تبارك وتعالى. وبعد الأكل والشرب كان يحمد الله عز وجل، وقال: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقاني، أو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنوبه. وإذا لبس ثوبا جديدا قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا عطس قال: الحمد لله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الحمادين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. أما بعد، الحمد لله Cette parole, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, est une parole immense. Ses mérites et son bien, ses bienfaits sont indénombrables. Ses effets sur ceux qui la prononcent sont très nombreux. Et la récompense auprès d'Allah, le tout miséricordieux, inestimable. Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses noms El-Hamid, le digne de louange, et il aime qu'on prononce souvent cette parole Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la meilleure sourate du Coran, Al-Fatiha, par cette parole Alhamdulillah. C'est donc la parole qui commence le Coran est la meilleure sourate du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a également commencé par Alhamdulillah 5 ou 4 autres sourates du Coran, à savoir après Al-Fatiha, Al-An'am, Al-Kahf, Saba et sourate Al-Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, louange à Allah, ou selon la traduction des sens de ce verset, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, et a établi les ténèbres et la lumière. Puis ceux qui ont mécru donnent des égaux à leur Seigneur. Et dans une autre sourate, toujours selon la traduction, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et n'a point introduit de tortuosité. Louange à Allah qui appartient à tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Et d'autres versets encore, dans lesquels Allah Azza wa Jalla a commencé par Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Alhamd, la louange, dans environ 40 endroits, dans plus de 40 endroits du Coran. Il a commencé la création par Alhamd. Toutes les louanges reviennent de droit à celui qui a créé les cieux et la terre. Il a fini la création par la louange. Après avoir mentionné la finalité des gens du paradis, la finalité des gens de l'enfer, on nous dit sur la traduction des sens de ce verset de Sourate Az-Zumar, et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité. Et l'on dira, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Aussi, on nous enseigne que l'invocation des gens du paradis, la dernière, est ou sera Alhamdulillah. On nous dit dans Sourate Yunus, la traduction de ce verset, là, leur invocation sera, exempté sois-tu, ô Allah, et leur salutation, le salam, et la fin de leur invocation, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur de l'univers. Chers croyants, Alhamdulillah est une des paroles les plus aimées de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les paroles les plus aimées auprès d'Allah, le très haut, sont au nombre de 4. Peu importe par laquelle tu commenceras, ça ne te nuira en rien. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Ajoutez à cela que c'est une des paroles les plus aimées du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit de prononcer La ilaha illallah, ou plutôt de le prononcer Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, mais plus aimé que tout ce sur quoi le soleil se lève, C'est-à-dire que tout ce bas monde et ce qu'il contient, Alhamdulillah, est une cause d'expiation de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas sur terre un homme qui dit, ou une personne qui dit, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah, sans que par cela Allah lui efface ses péchés. Furent-ils aussi nombreux, ou plus encore que ceux qu'il y a sur l'écume, sur la mer, ou que l'écume de la mer, ceux qu'il y a à la surface de la mer. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam a vu un arbre dont les feuilles étaient sèches. Il a pris un bâton et a tapé sur les branches. Et là les feuilles sont tombées, se sont éparpillées. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, voyez-vous ces feuilles? Voyez-vous comment est-ce qu'elles tombent? Sachez que lorsque le serviteur dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ses péchés tombent de la même manière. Ses péchés tombent de la même manière. Ou comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et ne pensons pas que alhamdulillah, ses effets, ses bienfaits, s'arrêtent dans ce bas monde. Bien au contraire, ils suivent le serviteur et les croyants dans l'au-delà, et ils s'amplifient. Notre prophète, le meilleur de l'humanité et des enfants de Adam, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, aura le jour de la résurrection un étendard dans la main. C'est l'étendard de la louange. Un étendard réel qu'il tiendra dans la main et qu'il lèvera. Ou bien qu'il sera élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que tous ceux qui louaient Allah seront près de lui, sous cet étendard, tenu par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam de l'humanité. Il nous dit dans le hadith de Abu Sa'id radiallahu anhu, je suis le meilleur des fils de Adam le jour de la résurrection, sans me vanter. Dans ma main, il y aura l'étendard de la louange, sans me vanter. Et il n'y aura pas un prophète ce jour-là, Adam et autre que lui, sans qu'il ne soit sous mon étendard. Sans qu'il ne soit sous mon étendard. Jusqu'à la fin du hadith. Donc plus la personne mentionne Allah et le loup, plus elle se rapproche du prophète alayhi salatu wassalam sous cet étendard. Le prophète alayhi salatu wassalam annonce la bonne nouvelle aux endurants lors de la difficulté. Et quelle difficulté est celle-ci? La perte d'un enfant. Qu'il soit un garçon ou une fille, qu'il soit petit ou grand, écoutez ce hadith des plus étonnants et magnifiques. Abu Moussa radiallahu anhu nous rapporte que le prophète d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand l'enfant d'un fidèle meurt, Allah dit à ses anges, vous avez saisi l'âme de l'enfant de mon serviteur? Les anges répondent oui. Vous avez donc emparé le fruit de son cœur? Les anges répondent oui. Qu'est-ce que mon serviteur a dit? Allah dit aux anges, qu'est-ce que mon serviteur a dit? C'est-à-dire suite à cette grande épreuve, suite à cette grande difficulté qui attriste les cœurs, font couler les larmes, quel fut son comportement? Les anges répondent, Hamidaka wastarja'ak, il t'a loué et a dit, Inna lillah, c'est à Allah que nous appartenons, wa inna ilayhi raji'un, et vers lui se fera notre retour. C'est à, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, c'est à lui que nous appartenons, et c'est vers lui que se fera notre retour. Il t'a loué à prononcer l'istirja. Alors Allah ordonne à ses anges, construisez-lui une maison au paradis et appelez-la la demeure, la maison de la louange. Allahu Akbar. Allahu Akbar walhamdulillah. À qui reviendra cette maison, serviteur d'Allah? À ce celui qui, lorsqu'il a perdu Husayn, qui a perdu un enfant, a dit Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le cœur rempli de foi et d'espoir en Allah, d'endurance et de patience, voici sa récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'imam de ceux qui louaient Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc le prendre comme exemple et beaucoup louer Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement dans les moments dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Lorsqu'il commençait un discours, il commençait par Alhamdulillah. Lorsqu'il se réveillait, il commençait ce jour par Alhamdulillah. Il disait, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, et vers lui se fera notre retour. Il finissait sa journée par Alhamdulillah. Lorsqu'il allait se coucher, il disait louange à Allah qui nous a nourris, abreuvés. Nous a suffi, c'est-à-dire dans tous nos besoins, et nous a abrités, alors que nombreux sont ceux qui n'ont personne pour les suffire et les abriter. Voici comment le prophète alayhi salatu wa salam commençait sa journée. Voici comment est-ce qu'il la finissait devant chaque bienfait, Alhamdulillah. À la fin de chaque prière obligatoire, il disait 33 fois Alhamdulillah. Il commençait la prière par Sourate al-Fatiha qui commence par Alhamdulillah. Et c'est un pilier de la prière. Lorsqu'il s'inclinait et se prosternait, disait Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Exempté sois-tu, ô Allah, notre Seigneur, et toutes les louanges te reviennent de droit. Ô Allah, pardonne-moi. Lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il disait ô Allah, entends, exauce celui qui te louera. Puis disait, ô notre Seigneur, la louange te revient de droit. L'équivalent de ce que les cieux peuvent contenir en louange, et ce que la terre peut contenir en louange, et l'espace entre les deux, et ce que tu veux après cela. Lorsqu'il finissait la prière à la fin de Salat al-Ibrahimiyya, il concluait en disant « Innaka hamidun majid ». Remarquez donc que la prière est remplie de l'hamdulillah. Lorsqu'il finissait de manger ou de boire, il disait « Alhamdulillah ». Et il nous dit « Certes, Allah est satisfait de son serviteur qui, lorsqu'il mange, loue Allah. Lorsqu'il boit, loue Allah. » Et il nous dit « Celui qui, après avoir mangé, dit « Alhamdulillah, il l'a dit, at'amani hada. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui m'a nourri de cela. Wa razaqanihi. Et m'a octroyé cette subsistance. Min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Sans capacité de ma part à passer d'un état à un autre, ni puissance. Celui qui dit cette parole, Allah lui pardonne tout ce qui est passé comme péché. Allah akbar. Allah akbar wa alhamdulillah. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam enfilait un nouveau vêtement, il louait Allah et il disait Allahumma lakal hamd, ou Allah la louange te revient de droit. Antaka sautani, c'est toi qui m'en as vêtu. As'aluka khayrahu, je te demande son bien et le bien de ce pourquoi il a été confectionné, jusqu'à la fin du hadith. Et lorsqu'il éternuait, il disait Alhamdulillah. Alhamdulillah, en soi, c'est un bienfait. Alhamdulillah, remplit la balance, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Et Alhamdulillah, subhanallah, remplissent l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Alhamdulillah est un bienfait en soi. Celui qu'Allah a guidé à cette parole, qu'il sache que le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, إذا أنعم الله على عبده نعمة فقال العبد الحمد لله. Lorsqu'Allah comble son serviteur d'un bienfait, puis il dit الحمد لله. كان ما أعطى أفضل مما أخذ. Ce qui lui a été donné sera meilleur que ce qui lui a été pris. C'est-à-dire que le fait d'avoir dit الحمد لله, c'est meilleur que le bienfait pour lequel il a dit الحمد لله. الحمد لله meilleur que notre santé, que nos proches, que nos richesses et toutes les choses de ce bas monde. Alhamdulillah est plus grand en bienfait que tout cela. Donc il nous faut souvent prononcer cette parole. Et pour finir, sachez que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été mentionnés plus de 15 fois dans le Coran, il y a Al-Hamid. C'est un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il signifie le digne de louange. Il est loué car il a la perfection absolue dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions. Il est loué car c'est le grand pourvoyeur, le grand donateur. Il est loué pour ses dons et ses miséricordes et ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid, in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Wa sallallahu wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Chers frères, des pensées pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, des pensées pour l'élévation de la mosquée, des pensées à la recherche de l'agrément d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam vous dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Et je n'oublie pas de m'associer à la tristesse de la famille de mon cher frère Mourtar al-Tounisi, qui en ce matin a appris le décès de son père. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ. C'est Allah que nous appartenons et vers lui se fera notre retour. Et certes Allah décrète et il est savant et sage. Et on s'associe à la tristesse de cette famille. Et on invoque en faveur de Cheikh Mohammed. فَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجاته في الجنة واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.